Hey, on commence tard aujourd'hui, Stéphane. C'est quoi, t'es rendu dans un gang de voyous? Non, je suis juste parti plus tard de la job. Puis on voulait pas se faire souper, fait qu'on est retourné chez Adamo, la seule place à Montréal où je pense qu'il y a des genres de pizza style Brooklyn. Ouh! Puis c'est de la pizza comme croûte mince, genre style new-yorkais, je sais pas trop, là. J'ai dit style Brooklyn, mais je sais pas le vrai nom de ça. Mais Ah, c'est c'est pas bon en ceux-là, les crise. deep. C'est pas les deep dish, ça, non? Je sais même pas c'est quoi un deep dish. Non, ben C'est pas un ceux-là qui sont Pokémon, comme là. super épais, c'est quasiment une tarte. Non, ils sont pas. C'est justement, c'est Ah, super mince, là. C'est juste qu'elle est grosse du calice, là. La boîte est Ah, c'est plus. elle avec les femmes nues dessus. Ouais, c'est ça, moi, une petite boîte, Hein? là, avec des dessins de femmes nues, mais Ah. gigantesque, là. C'est gros Ok. comme. Tu sais, des vinyles, là. Au moins quatre pochettes de Gros comme vinyles, ma genre. bite. Ouais, non, ça, c'est le petit format. C'est même pas un pepperoni. De toute façon, depuis le début, on fait toujours des jokes qu'on a des petits pénis pour. Comme ça garde la surprise. Oh, c'était pas vrai! Ouais, c'est ça. Wow! Wow, C'est ça. finalement, on dirait un bras de bébé. Moi, je vais faire l'hélicoptère. Ta ta ta ta ta C'est ta! ça. Tout s'envole dans la pièce, là. Oh, j'ai cassé mon écran. Ah, Ouh, la j'ai. Blue Moon. Elle est bonne, la Blue Moon. Ah, ouais, c'est ça. Je bois de la Belgian Moon. Belgian Moon. Belgian Ouais. Moon. Je me suis trompé de Ça nom. aussi, ça J'ai sonne un un peu con. comme un Pokémon. C'est correct, là. Moi, j'essaye de. Mais pas j'essaye. Je veux comme mieux, mieux manger. Puis plus contrôler ce que je mange. Fait que je me suis dit. Plus de bière comme acheter la semaine le soir. Ah, ouais. Puis je mange mieux en même temps. Fait que. C'est difficile. Ben, j'aurais pu être à l'eau, là. C'était pas. Allô? Allô? Allô? Fin de J'ai l'épisode comme peur. 36. Générique. Voilà. Lui, sur notre Facebook. Non. Non, mais non, je sais pas. C'est comme un réflexe. Des fois, ben, ça fait une couple de fois que je n'ai pas, mais là, je n'avais. Là, c'est rare que. Parce que Ouais. d'habitude, je m'en achète pour le podcast. Puis je m'achète deux cannes, mettons. Mais je vais me garder pour le pod. Puis je les bois avant. Fait que quand on vient pour enregistrer, je n'ai plus. Là, je n'ai acheté six. Nice. Quand tu dis Nice. Moi, que. j'en ai une, mais je veux pas la boire. C'est quoi? C'est une vache folle milk stout. C'est pas une que t'as ramenée d'Europe? Oh non, non, je les ai tous Ok, bu, ça. c'est fini. Ça peut durer très Ça fait longtemps. quand même longtemps, là. Ça fait. Compte ça en Ouais, ça épisode, c'est doit quasiment 10 épisodes. être complet! Ah ouais, c'est ça. C'est au moins 10 C'est ça. Wow! heures! bon, comment C'est ça? un malaisant et le silence. Ouais, C'était si long? C'était pas notre pire à date? mais on dirait qu'il y avait un poids à lui. Comme ah! Le room tone était intense dans celle-là. Ouais, c'est ça. Même le room tone est comme nope, nope, Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, c'est ça. Il n'y a même plus de room tone. C'est bye. juste Juste silencieux. pas. Est-ce que je vais partir le thème. Ok. Ça, c'est en Wow. poste. Man, à chaque fois qu'on fait le podcast, j'ai un esti de grand-mère dans les yeux. T'es sûr que c'est pas la lettre de trop dans le mot podcast que t'as dans l'œil? Adieu, c'est ça, Ouais. Les Pendant que Mathieu se décrit cela, bonjour, bienvenue au. Ou bonsoir. Bienvenue au sorbet du caractère mou, épisode 36. Bienjour! Bienjour, Bien vie! 36, les noces de mousseline. Et on Ah, parle pas c'est. ici de, De mousseline de et mousseline dans d'encaillou. Caillou, exact. Là. Ils ont marqué mousseline est rousse, puis ses parents sont deux bruns. Ou noirs. Les cheveux. Ouais. T'es obligé d'être. Je sais C'est les pas. parents directs, il faut qu'ils soient roux? Je sais pas. Je connais pas ça. Il me semble pas. Ce serait dans notre habitude d'aller voir sur Google pour répondre à ça. Puis non, je garde ça en suspens. Cette semaine, pas de Google. Commencez vite vite avec des mini-remerciements. Hey, on était. On se l'était fait dire, mais un épisode de Parlons Balado est sorti ce matin. Ben, ce matin, là, c'est mercredi, fait que ça va faire une semaine, là. Il n'y a pas d'invité cette semaine, puis c'est juste les gars du pod qui discutent de podcasts qui ont aimé pendant l'année. Puis on a été mentionnés, puis comme encore chaleureusement, comme Ouais, le. c'est. Je comprends pas ce qui se passe dans les dernières Non, semaines. moi non Il y a comme plus. vraiment du monde Moi, je pense que c'est un prank. Ouais, Puis ils sont ils tous vont tous mis nous contre nous autres, humilier, là, c'est là, ça, en même exact. temps. Ça s'en vient. Là, la semaine prochaine, il y a un autre podcast qui va nous mentionner. Genre, je sais pas quoi, là. Puis là, l'autre semaine d'après, quelqu'un nous tue. Comme il y a un nouveau podcast, il n'y a plus un podcast sur RZO, RZO, puis c'est genre un podcast, genre le podcast québécois, pis c'est tout le monde ensemble, sauf nous. Ils sont tous genre, ouais, on a pris les meilleurs. Tout le monde est là. Tout le monde, tous les podcasts sont là. Dont la Brique à Roland, Bedondaine, Petit Poule et Fricassé. Oups, j'en ai dit un vrai. C'est pas ça, compris. Moi je partais vous dire plein de marde. T'en as dit un qui existe. Oh, ça existe, Bedondaine! Oh. Mais ouais, mais c'est le fun parce que tout le monde a l'air de. Ils ont l'air d'aimer notre côté un peu tout croche. Fait qu'on va faire comme si c'était voulu pis c'était pas un manque d'effort. Non, c'est ça. Mais oui, tout est voulu. Non, il y a de l'effort dans... Non, mais oui, c'était pas vrai. Là. C'est une blague de manque d'effort, c'est plus comme... Ça fait bien qu'on aime ça faire ça, disons. Tu sais, c'est pas comme si c'était un choix pis... Genre, tu sais, ça fait bien que ça soit un point positif. Genre, si c'était un point négatif, on ferait comme... Tu sais qu'on crisse. Ouais, ben c'est parce qu'on c'est... En fait, l'affaire, c'est qu'il y a un point, c'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que si c'est un point négatif, on a juste ça. C'est juste nous, ouais. Tout croche. Fait que... ouais. Ah, ils sont tout croche, mais ils parlent de trucs. Non, on est juste tout croche. Ouais, c'est ça. Littéralement, j'ai des problèmes de dos. On est tout croche. Ah, ok. Mais pour vrai, j'ai tout en mal au dos. Veux-tu en parler? On n'a pas rien. Nope. Parle-en de. Toi, ton. Nope. Comme plus dans le haut du dos, dans le bas du dos. Mal dans le cul. Non, c'est vrai. Plus dans le haut. T'as-tu perdu le dos de ta clarinette? Hey, ça sera pas un bon cette semaine, là. Ah non! Avec c'est le high la semaine passée. Ben là, c'est comme... Tu sais, ça fait... Là, toute la semaine, je me suis dit comme... Chris, il me semble que les épisodes dans la trentaine sont forts, là. Ben, forts. Ouais, ouais. Dans ce qu'on fait, j'ai trouvé comme Chris. On avait tout de quoi. Fait que là, le 36, oublie ça. Mousseline, c'est on c'est se met pas sur roux. Notre 36. Ah, ouais, non. Non. On est... Chris, non. Ouais, j'étais encore en short, puis je me suis entraîné. Ah, ouais, j'ai des culottes quand même. Je suis pas... Ah. Je sais pas. Oh, t'es en cul. Vous êtes en culotte. Viens ici que je t'en culotte. Oh, hein? Oh! C'est très bon, ça. Mais de toute façon, c'est le fun, tu sais, qu'on on ait un podcast parce que nous, on est du monde qui a beaucoup d'anecdotes. Ben. Ouais, mais c'est surtout ça, on a beaucoup d'anecdotes de qualité. C'est tout le temps. Ah non, mais attends, là, pour. Ça pourrait chier. On a eu nos premières interactions de gens qui écoutaient le podcast sur le Facebook. Non, c'est ça, ça faisait drôle. Ouais, c'était le fun. C'est sûr que 66% de ces interactions-là, c'était la même personne. Mais. Ah, c'était déjà jamais content. Je vais tout encore bipper leur nom. Hein. Ouais, c'est ça. Il m'a dit mot pour mot. Juste parce qu'il a dit ça le dérange pas. C'est ça, fait que. Steve. Je vais le dire longtemps, là. Steve. Hey, ça viendra jamais vieux, hein? Non, ça va non, être non. Du bonbon, là. Ben, ok. Hey, 36, ça va-tu être l'épisode à éviter, tu penses? Skipper là tout de suite. Ah non, mais on peut pas tomber en dessous de mon 12. Toi, c'est non, quel, lui t'es ben sous, c'est genre 6. Ah, ok, je suis quand même épisode 6, qui est comme un peu plus long, puis c'est l'épisode où on écoute des vidéos de Canal Famille à la fin. Ah, j'ai tellement énervé. Moi, c'est le 15, le pire, parce que... J'étais saoul puis fatigué puis désagréable puis c'est toi qui l'as monté fait qu'il est plus monté comme naturel là. Fait qu'il y a beaucoup de trucs que j'aurais fait comme oh Chris ça serait moi qui l'aurais monté ça aurait pris le bord là. Ouais ça je pense que c'est une bonne chose qu'on ait arrêté d'être chaud. Comme depuis ce temps-là on dirait que tranquillement la qualité augmente un peu. Ouais mais là tu vois ça drop là puis j'étais à deux gorgées de bière là. On verra là c'est pas la nuit est encore jeune. Bienvenue au nouveau podcast La Nuit est encore jeune avec Robert Laponce. Bonjour, c'est moi. La Nuit est encore jeune. La Nuit est encore jeune. Hey, l'émission où on appelle des jeunes cool. Allez, on a un appel, je crois. Hey yo, hey, les gars, je suis un jeune cool, j'ai 12 ans. Oh wow, qu'est-ce que t'aimes faire? Moi, ce que j'aime faire, c'est, tu sais, quand tu prends le roulis roulant, que tu fais des treks dans les demi-lunes. Moi, je vais mon père travaille chez Vachon, puis il m'a mis une grosse pile de demi-lunes. Puis je prends mon roulis roulant, puis je te splash chaque... Ok, ça va être tout, merci! C'était... La nuit est encore jeune! Fait que, recommandation de podcast de la semaine, La Nuit est encore jeune. Nouveau podcast, on va commencer. Ils ont bien du potentiel. Ouais, je pense aussi, mais concept cool d'appeler des gens si jeunes. Non, c'est ça, exact. Qui, sont, tu vas rejoindre. Tu sais, moi, des podcasts avec du monde trop jeune, qui sont un peu désagréables, qui parlent juste d'école, moi, j'aime ça. Mais c'est un peu étrange avec leur pochette avec des gros seins. Ouais, ben, le pire, au début, la pochette, c'était ça, mais le nom, c'était pas ça. Au début, c'était la geek est encore geek. Puis là, c'est moi qui leur ai suggéré d'autres choses. Je leur avais suggéré... Les vieux geeks aiment les jeunes geeks. Ben, c'est ça que j'avais dit, mais ils étaient pas contents. Fait qu'ils ont changé ça pour jamais content. Puis après ça, ils ont fait comme Chris, il y a déjà du monde d'Abitibi qui ont copié mon concept. Fait que là, ils ont changé ça pour la nuit, encore jeune. Puis là, c'est encore. Nice. C'est comme proche de l'autre affaire là, qui passe à Radio-Canada. Là. La soirée, encore... Ouais. Ça, là. Ouais. C'est comme partagé, ça. Non, c'est pas l'affaire avec Claude Legault. Ah non, ça, c'est ce soir minuit ou quelque chose du genre. Là. Minuit du soir? Tu parles de la série que ça fait genre 10 ans qu'il passe plus, là? Oui, exact. C'est le podcast à Claude Legault. Ouais. Non, la soirée est encore jeune. C'est comme l'émission de radio avec Jean-Philippe Autier puis lui qui a des cheveux frisés. Là, puis... Du monde. Ah, un des seuls. Ben oui, lui, le gars qui a les cheveux, le père de Mousseline, là. L'élu. Comment c'est l'élu? Il est frisé. C'est ça, avec Jean-Philippe Autier puis l'élu. Mais ça, c'est ça le nom, la soirée tant que... Bon, tu vois, je Google, là. Mais ouais, ça a l'air... C'est comme... On dirait que c'est partagé, ça. Soit la soirée est encore jeune, encore entre parenthèses. C'est partagé parce qu'on dirait que quand tu n'entends parler, c'est soit du monde capote là-dessus, ben raide, font comme « Ah, je manque pas une semaine, ils sont crissement drôles. » Ou « Ah, ça m'énerve, je suis pas capable. » Ils sont trop... Okay. Ils parlent trop bien, puis ils me gossent. Je serais plus dans ce camp-là, moi. Je n'ai pas écouté tant ouais, que ça. Le monde qui aime... Nous, c'est un choix. Là. C'est... Genre, on haït ça, le monde qui parle bien. Non, c'est ça, exact. Là. Moi, c'est juste par jalousie. Ouais. Moi, à la télévision, s'il y a quelqu'un qui parle mieux que moi, je fais comme non. Fait que j'écoute rien. J'écoute juste la toune de Vendirect.ca en boucle. By the way, commanditaire cette semaine, Vendirect.ca. Allez sur Vendirect.ca/sorbet pour un rabais de 5% sur votre prochain achat de propriété. On dirait une vraie pub, c'est pas vrai. Ouais, non. Fais attention, c'est une vraie compagnie. Non, je sais, non, mais là, Chris, ils vont. Si tu fais slash sorbet, ils feront pas comme un gros fuck you, là, dans l'image. C'est pas, hein, ils ont peut-être une section de vente de sorbet. Oui. Tu sais, ils sont comme le site qui a des épisodes de Radio Enfer. Les autres, une section maison, puis une section sorbet. Ça, que là, c'est si tu l'embonnes. Les jeux flash de voiture. Il y avait-tu un site qui avait un jeu flash de voiture pour rien? Non, je pense pas. Peut-être un truc qui a rapport aux voitures, puis là, il y a un jeu flash, mais... Monsieur, quand j'étais jeune, il y avait le site des Tigres de Victoriaville, l'équipe de hockey locale de Victo. Sur le site, il y avait un extrait de 10 secondes d'une toune en anglais que je me souviens plus c'était quoi, puis je me souviens que tout le monde au primaire allait sur ce site-là pour écouter cet extrait de 10 secondes-là, parce que c'était « Ah, oh, c'était donc rock! » We're gonna win. Don't wanna be a loser, gonna win. Cause winning really is the only thing. Oh, c'est rock! C'est rock, là, 10 secondes en... Ouais. En super low quality du tabarnak. Hey, mais ça là, on est-tu content que ça soit plus une chose de dire qu'on rock quand on fait une chanson rock? Attends, la chicane revient là. Ouais. C'est borderline là. Quand même, Boom a fait un album de cover qui s'appelait Québec Rock. Fait que tu vois que dans son petit cœur. C'est bizarre. C'est comme pourquoi tu veux autant dire que tu fais du rock, fais de la musique. Je sais pas, mais. Oh, je rock! Oh, le rock! Voici mon chant rock! Je sais pas, mais est-ce que c'est mon oncle? Mais genre, en plus, tu sais, récemment, je m'amuse des fois à réécouter de la musique que mon père écoutait quand moi j'étais jeune. Tu sais, c'est la musique que ça me fait drôle de réécouter parce que je fais comme, oh Chris, tu sais, je me souviens par cœur de tous les trucs parce que mon père a tellement écouté des trucs que ça m'a imbibé dedans. Là, mais, moi, c'est ma mère. Hein. Mais c'est des trucs que j'ai quand même jamais pris le temps d'écouter. Fait que tu sais, mais je me suis mis à écouter un peu d'Offenbach. Puis là, l'album Traversion, très bon. Un peu avant, bon aussi. Après, c'est mauvais du tabarnak, là. Mais genre, après ça, je me suis amusé à juste checker leur liste. Et puis là, je fais du ménage dans mon ordi, puis j'ai supprimé ce petit bloc-notes-là, genre, hier. Hey. Mais genre, j'avais tout listé, tous leurs titres de tunes qui avaient rock dedans, ou qui avaient blues, ou qui avaient amour. Il y a au moins 8 tunes qui a rock dedans. Mais c'est pas bon, aussitôt Québec que ça, rock, c'est pas bon, mais... j'ai le rock'n'roll pis toi. Rock de velours. Ah, mais c'est parce que c'est quelqu'un de tellement dur, mais si tendre à l'intérieur. Mais, Chris. Oh, c'est tellement une belle, un beau contraste. Tu sais, le mot blues, il y en avait plein aussi. Le blues me guette. Les blues passent plus dans la porte. C'est un classique. On dirait que ça passe, mais. Mais ça, c'est correct parce que c'est mes. tu sais, ça vient, tu sais, c'est mes blues. Ben, c'est ça, genre... mais on dirait que celle-là, ça marche, c'est pas c'est comme. Pas le style musical. Je me sens ben, quand blues. Tu dis mes blues, c'est genre, c'est pas le style musical. Non, non, non, c'est ça, exact. C'est, genre, c'est vraiment le... J'ai les blues ou. Ouais, le comme le poids de quelque ouais, chose. Ouais, c'est ça, hein, l'état psychologique. Non, c'est ça, c'est pas. Ah, oh, Chris, attends un peu, je vais aller chercher la discographie, là. On va... J'avais tout noté ça, hein. J'étais préparé, j'ai supprimé ça. On va aller. Petit gros niaiseux. Au fond de la chose. Ah, Chris, on va tout te dire. Bon, les noms rock. Bon, Québec rock. Je suis un rocker, évidemment. J'ai le rock'n'roll pis toi. Ah, il y a un album qui s'appelle Rock Bottom. Rock de velours. Taxi rock'n'roll. Le rock'n'roll veut ma peau. Ça, c'est. Les deux tunes se suivent sur l'album Rockorama. Si vous avez jamais vu la pochette oh, ouais, de l'album. La pochette. Oui, si vous avez jamais vu la pochette de l'album d'Offenbach, Rockorama. Premièrement, écoutez pas l'album, mais la pochette, man, c'est ah un ouais, esti c'est de... un bijou. C'est un esti de loulette ou je sais pas quoi qui sort la langue, que genre de langue de kiss. Puis il y a des esti de pattes mal dessinées, puis il y a une cigarette dans la gueule, puis il y a des lunettes. Hein. Des lunettes de soleil. Sur un esti de fond pâle, il sort d'une boule jaune. C'est lettre que le tabarnak. Ça fait plus comme... advertisement des genre en 90, là, de... on veut des animaux cool avec des lunettes. Esti que c'est lettre. Là, on a fait rock, mais checkons avec blues maintenant. Mais tu sais, c'est comme... Ouais, vas-y, vas-y. Bon, Call in the Blues, classique, mais après ça, faut que je leur dis Dimanche Blues. Ni plus ni moins, après ça... Ben, pas tant que ça. Le blues me guette. Ah. Comme on l'a dit tantôt, mes blues passent plus dans la porte. Ils ont des peurs avec les styles musicaux. Mais le rock, le rock veut ma peau. Il y en a au moins deux autres. Là, le blues me guette. C'est sûr qu'il y en a deux autres. Ils vont tous me tuer. Blues en dessous zéro. Je me crains qu'un blues. Voilà. Calice. Ouais. Je me crains qu'un blues. Mais tu sais, ouais, c'est comme... Ça fait bizarre. C'est comme folk. Il y a pas de... Ben c'est ça! T'as pas de tune folk, mais comme... Folk... folk amertume, ou... Moi, je folk! Ma vie, folk! Ding, ding, ding, ding, ding, ding. C'est ça! Mais en hip-hop ou en rap, ils vont souvent dire rap et hip-hop. Ou leur ouais, nom. Genre, il faut toujours qu'ils disent... MC Dope! Hey! 2007, ouais. Mais c'est, rap, on dirait hip-hop. Que c'est plus des... Ouais, dans ce temps-là, on dirait que c'est plus un style de personne que de musique dans ce temps-là. T'sais, dans ça, c'est plus du côté genre tu veux être connu en faisant ça plus que tu fais de la musique pour parce que t'aimes le médium, genre. Ouais. Tu sais, mettons, je sais pas, ça donne cette impression-là, c'est plus ça que je veux dire. Parce que même mettons, Loco Locas sont quand même assez établis, mais ils vont dire leur nom pareil dans leur tune. Ouais, mais ouais. Parce que ça m'énerve, arrête de dire ton aussi, nom, ouais. Je sais t'es qui, je t'entends, là. Je vous entends. Ouais. Aussi le rime de la place en masse, je pense qu'ils disent 4 fois dans. Comme c'est lourd. Ouais, mais c'est des poètes de la rue. Hey, moi j'ai déjà croisé Biz dans des marches dans le Vieux-Québec. J'étais littéralement dans les marches. oui, dans les marches. Dans les marches entre Place Royale puis l'affaire en haut pour se rendre plus haut, le Château-Frontenac. Puis il y a des marches comme là. En métal, okay. C'est comme à côté d'un... Avant, c'était un dépanneur, mais là, c'est un... C'est quoi, Star? C'est un genre d'épicerie weird. Okay. Mais bref, il était là, puis je te dis que... pas sympathique, hein, quand tu le regardes pas, puis tu dis pas bonjour. Non, c'est du monde bête, ça. Genre, il m'a pas reconnu. C'est pas vous qui va faire un podcast des sorbets dans 3 ans? Un style de biz, hein? Peut bien rimer okay, la place ça. En masse. Ah, mais là, il était en train de s'inspirer de l'urbain, genre du milieu urbain. Un style d'urbain. Son hein? Slam et ses rimes. J'ai l'air de rire de ça, mais j'aime ça, hein? C'est... non. Je suis rien contre la poésie, puis le rap, puis tout ça. Genre, j'aime. J'haïs pas ça, puis ça dépend de quoi, mais. Comme, j'ai l'impression que quand ça cherche pas le. Genre, moi, ce que j'aime le plus, c'est quand ça cherche pas à juste, genre, le swag, puis le genre, le. Ouais. I'm famous, ouais. Genre, je dis mon nom, des trucs comme ça, puis ça, c'est plus comme... Ouais, c'est l'attitude, hein, qui... Ouais, quand moi, c'est... ça va une trop c'est ça, coche, je cherchais le mot attitude. C'est tellement... C'est une attitude, genre, le rock, comme mettre rock dans ça, c'est genre, il y a l'attitude rock. C'est pas, genre, c'est pas un musicien qui utilise ça pour s'exprimer, genre. Mais c'est ça, c'est comme, c'est la différence, c'est... Tout ce que Pierre Harel a fait dans les années 90, genre, il rit souvent de ça dans des CDR, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, tu sais, des noms comme En Amérique du Nord, pis Rock Ma Vie, là. Tu sais, hey, Rock Ma Vie, ça fait dur comme chanson, là, ça fait mal. Rock! Rock! Ma vie! Ma vie, rock! Comme à la belle époque! Mais ça ouais. C'est l'attitude. Genre, il y a ouais, exact, aucune qualité ça. Musicale. Tu sais, je comprends même pas pourquoi tu essaies de reproduire l'attitude plutôt que ce que le monde aimait de la musique à l'époque. Genre, t'es un nest. Mais ça, c'est un peu comme les films d'horreur, tu sais. C'est genre de trop de passion, peu de talent. Ouais. Genre, il a tellement aimé ça, puis il voulait tellement en faire, mais il l'a pas, genre. Mais c'est weird. Il a écrit des classiques d'Offenbach, mais genre là, il a écrit aussi des hosties de navets après, câlisse. Ouais. Genre, hostie. Mais bon, bref, le rock, prochain podcast, je vais pas arrêter de te couper en disant brof. Brof, j'ai-tu dit brof? Brof, ouais, je pense. Ah, brof. Ça m'a fait rire. Brof. Mais moi, je m'en allais sur rien, je sais même mieux que tu me coupes. Brof, pinçon à autre chose. Ok, veux-tu passer le reste du podcast à répéter ce que je dis, mais en changeant un petit peu les mots, puis ça va me faire rire? Non. C'est correct. Il reste juste après 40 minutes enregistrées pour avoir un bon podcast. Là. Ça fume fort rare. Ça demande plus d'effort faire ça qu'inverser les syllabes. Là, on dirait. Inserver les listes là. Ah, Chris, non. Ok, bon, les deux sont assez difficiles. Surtout de le mettre dans un temps parce qu'il n'y a pas un long silence plate. Non. Je pensais être capable de faire un petit paix, mais non. Elle aurait sûrement pas entendu. Je peux en rajouter un. Ouais. Laisse-nous en paix. Laisse-nous en paix? Wow, c'était, ben oui, c'était ça? Ah, excuse, je pensais que c'était... Ok. Moi, je me trouvais clever, puis c'était toi qui étais clever avant moi. Message random, encore sur le monde dans les transports en commun, dans le métro, si tu vas dans la porte du fond, peux-tu choisir un bar plutôt que de te crisser dans le milieu et de prendre deux places? Hein? Ouais. Ben, tu sais... Où? Dans le métro, ça fait-tu le long? Hein? Tu rentres une porte dans l'autre porte? Mais tu sais, t'as deux places, là, on s'entend, là. T'as un qui s'accote à droite de la porte, l'autre qui s'accote à gauche. Ouais. T'es pas obligé d'être dans le milieu en train de lire. Ah, puis qu'il se tient même pas, genre. Non, il est juste dans le milieu, prends toute la place, esti. Ouais, c'est que ça gosse. Tu peux t'accoter en plus, tu peux juste t'accoter, tu peux le tenir pareil, ton téléphone. Crise de raisin. Ouais. Bref, ça m'est arrivé tantôt, il faisait chier. T'allais dire de quoi? Ouais, ça m'a fait penser à un truc, c'est. Vendredi passé. On est allé jouer, ça n'a aucun rapport avec le dodgeball, mais on est allé jouer au dodgeball avec la job. Dodgeball. Je sais pas si c'est... C'est-tu quand que... Là, vous arrivez tous avec vos dodge, puis là, le plus beau, il fonce dans les autres. Non, c'est juste un gars qui s'appelle Beau puis qui court, faut l'éviter. OK, très bon. Évitez Beau! Évitez Beau! Non, mais c'est comme, en gros, c'est un terrain avec des... C'est comme un terrain divisé en deux, c'est un peu le même principe que le ballon chasseur, là. Mais c'est avec des arcs puis des flèches avec des gros bouts en mousse. Fait qu'en français, c'est-tu ballon chasseau? Non, c'est Beau, B-O-W, c'est un arc. Ah, fait que c'est... Hey, c'est pas ça l'anecdote, Chris! Arc chasseur. Ouais, l'arc chasseur, genre. Ouais. Mais en même temps, là, ça fait comme ça, on allait se tuer, mais... mais bref, c'est le principe de ces deux équipes, tu sais, le terrain est divisé en deux, il y a des coussins, puis il y a des différents, comme, des coussins pour se cacher en arrière pour éviter les flèches. OK. Tu peux les attraper, puis il y a différentes règles, ça dépend, ça peut être de l'élimination, des trucs comme ça. Puis après, c'est long pour rien. On est allé prendre une bière, puis là, en revenant de tout ça, dans le métro, un moment donné, je parlais avec un de mes amis, puis là, j'ai raconté l'histoire, genre, que à l'enterrement de vie de garçon à mon beau-frère, tu sais, on est allé aux danseuses. Je me rappelle plus trop pourquoi on était embarqué là-dessus, juste parce que, genre, on est comme... C'est vraiment malaisant, les danseuses. Tu sais, c'est pas un genre, j'aime tant les danseuses, c'est ça, c'est juste un peu comme, c'est wack. Mais genre, il y avait un couple en avant de nous. On était debout dans le milieu, tu sais, où il y a le truc à trois branches en avant de la porte. Ouais. On était vers la porte fermée, puis eux, ils étaient juste devant. Puis à un moment donné, les deux, ils se tournent, puis ils me regardent directement pendant que je parle de ça, genre. Et... Puis je suis pas sûr s'ils trouvaient ça drôle ou non, là. C'est genre, qu'est-ce que vous crissez, genre? Je vais pas arrêter de compter mon histoire de danseur. Tu sais, tout ce que je voulais dire, c'est genre qu'ils avaient payé des cabines, puis j'étais comme... c'était trop bizarre, c'était pas si déplaisant, mais... Ah, moi, je pense qu'il voulait l'adresse, là. Ouais, ah non, mais c'était... Je sais pas, mais c'était bizarre. J'étais comme... Vous jugez donc, ben... C'était malaisant. Mais c'est weird de faire eye contact de même avec quelqu'un dans le métro. Moi, j'évite le regard de tout le monde, Ouais, des fois, je regarde un peu partout, puis j'ai le malheur de regarder quelqu'un, puis je regarde la terre, esti, pendant la prochaine demi-heure. Ouais, moi, ça dépend. Tu sais, s'il dit quelque chose, si quelqu'un fait de quoi de drôle, les trucs de même, des fois, je vais peut-être regarder en souriant. Mais quelque chose de pas le fun ou de. Qu'est-ce qu'il y a de drôle qui se passe dans un métro? Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tu vas regarder si. Tu vas rire si c'est quelque chose de drôle. La vie de tous les jours. C'est quoi la vie? Oui, mais trouve-moi une affaire drôle dans le métro. Un petit gars qui se fait chatouiller. Je sais. Si tu le regardes et tu ris. C'est tellement creepy. C'est pas mieux. Le gars est comme. Ouais. Continuez, madame. T'as ton couple de l'autre fois qui se retourne et il le regarde avec des gros yeux. Ouais, c'est ça. Non, non. Non, mais tu sais, des fois, je sais pas, t'entends quelqu'un dire une niaiserie ou quelque chose de drôle qui se passe où tout le monde est mal à l'aise. Fait que là, tout le monde rit un peu, des trucs comme ça. Mais de là, genre, t'entends deux personnes qui se parlent d'un truc puis là, les deux regardent, genre. Vas-y, surtout qu'ils sont là. T'es pas sûr si ils sont mal à l'aise. Tu sais, c'était pas un. Ils ont pas fait comme ha ha ha. Tu sais, c'était pas si drôle, là. C'était juste un. Je comptais un peu ça, là. Peut-être qu'il venait de dégriser là. Ah non, il avait pas l'air grisé. Ben, peut-être de dos, il avait de l'air. C'est drôle qu'on. Pourquoi on dit dégrisé, puis on n'utilise pas le mot, le terme. Hey, je suis tellement grisé. Ben oui, tu dis pas ça, toi. Genre, je suis en train de me griser. Ah, je me grise, là. Je me grise, j'ai pas hâte de dégriser. Je sais pas, hein. Ça te baise. Okay, on ça, ça doit venir de la même place qu'à ces trousses. Regarde, les trousses, on l'a défini. C'était quoi, les trousses? Dans... Yep. C'était quoi? T'en souviens-tu? Nope. Non, Chris, tu vois-tu, on fait apprendre des choses, puis on apprend des choses en faisant le pod, puis on oublie. Ouais. Ben, en tout cas, c'est avoir des être à nos trousses, je pense, épisode 12-13, fait que dans les pires crises d'épisodes... Non, c'est avant qu'on ait les pires épisodes. Asti, écoutez donc pas nos vies. Là, il y a trop de download du premier épisode, Asti. Genre... Mais au final, parlons balado, mais ils ont fait « Ah ouais, c'est lui, ce qui se rend de la tête dans la boîte! » Mais c'est pas dans le premier que tu me rends de la tête dans la boîte, c'est genre le 10e, non? Ouais, il me semble pas, man, que c'est dans le premier. En tout cas, bref, là, il y a quelque chose qui se passe avec le premier épisode, à part, ben, c'est parce qu'il est en premier, ça aide pas, mais... Genre, il tue notre fanbase. Non, mais, tu sais, qui va écouter le premier épisode va faire comme « Ah, je veux continuer à écouter ce podcast! » Comme, mais en même temps, mais je sais pas, c'est genre de... C'est genre, c'est nous qui parle, mais sans, là, vraiment pas de concept et aucune confiance, puis on parle d'affaires qui viennent de se passer. Je commence jamais au premier, mais je pense, c'est tout le temps le dernier pour voir si j'aime ça, puis après ça... Non, c'est ça, à moins que ce soit un narratif, là, mettons, comme Hello from the Magic Tavern, ça, c'est... Ou que tu commences c'est ça, par tu le commences, premier. Sinon, ouais, j'aurais l'impression que tu rentres dans le dernier, tu dois rentrer dans un paquet d'insides que tu comprends rien, ça. Tu comprends pas la vibe. Puis même Harmon Town, il parle tellement de sa vie tous les jours qu'on dirait qu'il quasiment faut que tu la suives. Ben, je pense, non. Harmon Town, je pense que ça passe parce qu'il parle, tu sais, c'est sûr qu'il y a des calls ou puis des affaires, des références, tu comprendras peut-être pas. Mais ça va faire comme « Ah, ben, je suis intéressé à écouter les autres, mais t'es pas, complètement débalancé là, d'un truc comme d'un truc narratif. » Non, c'est ça. Jamais je commence par le premier. Surtout que c'est comme... En plus, tu veux voir si c'est bon maintenant. Non, c'est ça. C'est comme... Si le premier est comme mauvais, puis ça se peut qu'il se soit amélioré à fond. Hein. Non, comme c'est ça. En fait, c'est sûr qu'ils se sont améliorés. Là. Écoute les premiers 3 bières, puis c'est un micro... je sais pas quel genre de micro, mais c'est un micro dans le milieu d'une pièce, puis tout le monde est assis autour. Ça sonne vraiment le cul, là. Mais tu sais, si tu t'empêches d'écouter 3 bières parce que t'écoutais le premier épisode, tu trouvais que ça sonnait le cul vraiment avec l'écho de pièces puis les sons comme en stéréo, weird. C'est sûr que ça donne pas la même impression. Là, ils ont 5 ans entre les deux. Ouais, exact. Mais tu sais, comme je commence le podcast, je vais écouter comme 2-3 récents. Si je suis vraiment dedans, je fais comme oh shit, puis là je vais recommencer du début puis je vais les réécouter en ordre. Là. Ouais, exact, c'est ça. Ouais, moi aussi. Comme c'était ça, Décidéré, c'est ça que j'avais fait. J'avais écouté plein de récents, je fais comme, oh my god, puis j'ai recommencé au début, puis là, je monte tranquillement. Puis il y en a en tabarnak, là, fait que là, je suis comme rendu début 2014, là. Ah, mais les premiers, il y a une bonne différence avec les... C'est surtout que le premier commence avec c'est Nicolas, je ne rappelle jamais le nom, est-ce Nicolas qui parle pendant 45 minutes de politique. Ouais, le premier épisode, il commence avec ça, man. Puis j'étais comme, Chris? Ouais, mais il finit avec une entrevue avec Kevin Parent. Je l'ai pas fini. Mais... Non, écoute, rends-toi à la fin, je pourrais entendre l'entrevue de Kevin Parent. Alors, voilà, j'ai un entretien exclusif et tout à fait vrai avec Kevin Parent. Kevin, bonsoir. Bonsoir. Comment? Grand-mère de chez longtemps. Ok, je l'ai retrouvé. Comment vas-tu? Oh, ça va bien. Mais ouais, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, au début, les pics-bois sont pas là. Tu sais, c'est une forêt ouais, pas c'est là. Ça fait, c'est une vibe complètement différente. Là. Ouais. Mais ouais, en tout cas, j'espère que quelqu'un qui aime pas le premier épisode des sorbets, il faut pas qu'on. Oh, Chris. Le monde me disait que c'était drôle. Ils sont pas si coquins que ça. on est très coquins, tu sauras. Plate en crise dans cet épisode-là. J'ai même, ouais. J'ai même plus quoi qu'on parle. Qu'est-ce qu'on parle, le premier sûrement épisode? Sûrement de jeux, man. Ouais, oui, c'est sûr. On parlait plus de jeux à l'époque. Ouais, c'est ça. Ah, tu vois, ouais. Je check les liens du premier épisode, c'est que de jeux. Là. On parle ouais, de Stardew Valley, Knights and Bikes, qui venait de sortir leur Kickstarter. Puis on parle de Steam VR, là, que t'avais c'est écouté de Round Table. Mais c'est ça, je regarde ça, je fais comme, oh, tabarnak, genre. Hop, on parlait ouais, du fandom vrai. De Sonic the Hedgehog. Bon, ben, tu vois, on reprend déjà des vieux sujets. Ça nice. Fait, tu vois, sure, tu compares ça, ce qu'on dit de Sonic, qu'on parle à celui qu'on a fait il y a deux semaines. Genre, c'est deux mondes, là. C'est sûr ouais, que ouais, ça doit être... checker vite, vite, man. Ça doit être tellement moins... Sans... Ok, je vais regarder, là. Je suis en train d'écouter mon podcast dans mon podcast. Ouais, c'est ça. On se feed, genre, avec le nôtre. On a trouvé la formule! Plus on en fait, plus on a de contenu. Ça va être infini. Ouais, mais imagine, dans une couple d'épisodes, quand on va commenter celui-là. Exact, c'est ça. Ça va être mongol. C'est une boucle sans fin, man. Là, je vais essayer de trouver le bout de Sonic, là. Extrait du premier épisode. Ben man, il y a du monde qui, y a du monde qui capote encore sur Sonic, qui sont bandés ben raides sur je lui. Je sais! Ça, c'est automatiquement genre une personne moins bonne. Point. Dans comme l'échelle t'as de aucun l'humain. Jugement. Oui, oui! C'est genre, t'es comme misogyne, raciste, juste au-dessus. C'est genre, aime Sonic. Aime Sonic, puis une coche de plus, et je me suis dessiné moi-même en Sonic. J'aime les furies. Genre, Cédric the Hedgehog. Mais il y a des lunettes et il y a un chandail. Il est musclé. Il ah. s'aime beaucoup. Et sa face est un peu Disney croche. il ne croit pas en la perspective. C'est ça. Fuck la perspective, il est tellement hot, là. On pourrait se faire un générateur d'épisodes qui fait comme... Ouais, t'sais, on nomme des sujets... Là, ça piece together des bouts avec des tags dans les autres épisodes, puis là, ça te fait des épisodes au hasard. Mais infini. Il y a le truc, c'est-tu... C'est... Ah, Chris. Quelle compagnie? C'est-tu Adobe qui ont un truc de voix, là, qui est capable d'analyser des sons, puis ça peut refaire des phrases avec ta voix, donc c'est comme si c'était ah, toi qui ouais. parles par, non, par j'ai les pas vu. Fait que tu sais, nous autres, vu qu'on aurait on a plein de podcasts, tu sais, on a plein de trucs pour se fider nos voix, là. Ouais. Tu sais, fait qu'on pourrait être mort puis générer plein de trucs... Encore pareil, genre. Est-ce que ça c'est creepy? Man, imagines-tu? Ah! Chris, t'écoutes un podcast gratuit? Tu vois. Mais je pense pas sorti, c'était un démo, genre, sur scène. Okay. Fait que c'est peut-être, ça sortira peut-être pas, ou ça va peut-être faire partie d'autres choses, mais tu sais, c'était comme un démo qui montrait avec, c'était avec un comédien, je pense, je sais plus trop. C'est-tu Adobe? T'es informé en tabarnak. Ouais, ils ont démoé Photoshop for Audio. Ouais, genre, c'est ça. Puis au début, ils font juste comme... C'est vocaux. Ils changent des bouts de phrases. C'est comme, OK, c'est correct. Pour ça, ils tapent une phrase complètement inédite qui n'a pas été dit dans les extraits audio qu'ils ont pris. Puis genre, ça dit vraiment la phrase comme si le gars l'aurait dit, mais un peu plus robotique. On s'entend, mais tu sais, c'est quand même assez hallucinant. Que tu fais comme, oh, Chris, on s'approche tranquillement du dude mort dans Black Mirror, là. Ouais. Calice. Ah non, mais ça... Il y a bientôt, mais ça va être fou, ça. Genre, c'est tellement un nouveau problème, là, de... Tu peux plus rien truster. Hein? Ça, ça veut plus rien dire une preuve. Genre, on l'a enregistré sa voix. Ouais, mais tu peux la faire comme tu veux. Hein? C'est vrai, hein? C'est fou, hein? Mais non, ils l'ont dit dans la présentation qu'il y aurait un. C'est quoi le. Pas un watermark, mais l'équivalent audio, là. Ok. Mais il y aurait comme quelque chose d'imprégné dedans qui ferait que tu saurais que ça vient de là. Tu l'entends pas, mais ouais. En décodant telle patente, il saurait. Fait que ça pourrait pas faire des affaires. Ils ont passé à leur coup en crise. Ouais, c'est ça, parce que c'est dangereux. Mais c'est comme pour les billets. Il y a quelqu'un quelque part qui va réussir à décrosser ça. Puis à... Parce que tu sais, Photoshop, puis tu peux pas scanner un billet de banque. Non, ouais. Ouais, il me semble. Il me semble qu'il le bloque. Je sais pas. Informe-toi, mais je vais écouter notre podcast pendant ce temps-là. Voici ce qui arrive. This application does not support the editing of banknote images. Fait qu'en gros, Photoshop, il détecte quand t'as scanné une image de billet de banque. Oui. C'est drôle, ça? Ouais, c'est quand même fou. Ouais, mais The Gimp, ça fait ça? Sûrement pas. Hein? En même temps, avec The Game, t'es rien capable de faire. Bon, ok. Ah! Ben non, c'est pas vrai. Peut-être, mais t'as quand même plein d'argent dans tes poches, pareil. Ouais, mais en même temps, c'est comme, c'est ça que je disais ça, que c'est comme pour Linux qui dit, genre, la phrase, c'est genre, Linux, c'est gratuit si ton, pour ton temps, si ton temps vaut rien. Eh hey non, man, j'ai essayé un moment donné juste d'installer Linux sur un vieux portable. Chris, hein. J'ai réussi, tu sais, tu l'installes, c'est comme, ah, oh, c'est smooth, finalement. Tu veux essayer de faire de quoi? Ah non, faut t'installes plein de merde, puis t'es dans le truc de code, de callus, ouais. Là, puis... Ah, c'est touchy, là, surtout tout ce qui est driver pis tout, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était le plus simple, là, c'était Ubuntu ou une version plus légère, je sais plus quelle, là, genre, mais tu sais, comme, non, je touche plus jamais à ça, j'ai pas le temps, aucun temps à mettre là-dessus. Non, exact, c'est ça, tu le perds pis c'est pas le fun, pis c'est pas c'est moins flexible, on dirait. Ça allait peut-être plus pour, genre, quelqu'un qui connaît vraiment ça. Non, c'est ça, exact, c'est... mais moi, ça me... Non. Ça pis qu'il y a vraiment du temps à mettre là-dessus. C'est rien que ça à faire, cool! Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'imagine que si tu connais ton shit, t'es capable de faire ce que tu veux en 10 minutes. Ça doit être extraordinaire, là, mais j'ai pas envie d'apprendre ça, pas en tout. Non, c'est ça. Puis d'avoir des versions un peu boboches parce qu'ils supportent pas Linux, des trucs comme ça. Ouais, mais le rapper Windows. MC Windows! Il chante yo, pas, yo, lui. Yo! Hey, MC Windows is in the window! Oh! Baisse ta fenêtre, agrandis ta fenêtre, sélectionne tes trucs corbeille. Affiche dossier caché. C'est plus poste de travail, c'est ordinateur. Mon ordinateur, c'est quoi ça? My computer. C'était MC Windows. Merci tout le monde. On se revoit à la prochaine mise à jour. Je vais sûrement m'installer pendant que. Tu penses que ton ordi va rester ouverte pis que t'as des trucs importants d'ouvert, tu dis oh je vais finir ça demain matin pis ouais, il va te resetter d'en face calice. Hey MC Windows, tu peux les empêcher. Je sais d'un setting, mais ta faute Chris. Le commun des mortels, ils savent pas ça. Moi pis Cortana on... Hey man, ça marche-tu bien Cortana? Il parle-tu là? Ouais, Cortana. Cortana. Comment ça marche? Faut-tu... C'est ça dans... Cortana. Ouais, faut-tu l'installer parce que... Ah, c'est-tu l'affaire à côté de... Ask me anything. Oh, I can learn to... C'est où t'es allé? Moi, je suis marqué Cortana dans recherche. C'est le petit cercle en bas à gauche. Le petit cercle. À cause... Ah, moi, je l'ai laissé. Non, j'ai enlevé ça, mon colis. Cortana, say hi. Hey, elle me dit hi! Nice. J'ai pas, on peut pas enregistrer. Je peux pas enregistrer live, on va arrêter ça maintenant. Bon. Plate en crise. Bon, ben. Oui. Ce sera pas long, on s'excuse, il reste juste 20 minutes, là. Au pire, celle-là, écoutez-la à 1.5. Ouais. Ça va faire un petit quickie. Oh, hey, attends, la minute Garfield. La minute Garfield, les lundis, c'est cave. Ok, donc, Garfield est couché dans le fauteuil devant la télé. Comment ça s'appelle, un carré de BD? Carré. Ça a pas de nom? Fuck! C'est pas. Cause? Ah oui! Première case. son qui sort de la télé. À l'aide, à l'aide! Deuxième case, même chose. Il semble que quelqu'un a besoin de super chien-chien. De la télé encore. Wham! Et là, Garfield, il s'est écrasé sur une bande fontaine. Hey, mais tu sais qu'il y a un podcast? Qui c'est Garfield pour aveugle. Ah ouais? C'est Ah, j'ai jamais pris le temps de l'écouter parce qu'il n'y a pas de feed RSS, ce style. Genre, c'est uploadé audio. Vraiment. C'est un aveugle qui le fait, puis ça prend déjà tout, juste l'uploader. Ben non, mais c'est fait. Je sais pas s'il y en a qui suivent le compte sur Twitter. Il me semble que c'est Charles Alex Alex. Genre de compte qui fait juste tweeter des cochonneries puis des niaiseries tout le temps. C'est quand même crissement drôle. Hein. Mais il a fait un truc. C'est genre, c'est ça, ces épisodes-là, je sais pas s'il y a un fil RSS, mais là, il y a des stars, en tout cas. Ok, donc pour la prochaine histoire, Garfield est dans son lit, il est sur le dos avec le doigt dans les airs, là, il est de bonne humeur, et là, Jean y arrive à la table, et là, Jean il dit « Que puis-je pour vous, majesté ?» Et là, Garfield pense « Épluche-moi un raisin !» Et là, Jean a l'air bête, et Garfield se relève un peu tellement qu'il est enthousiaste, et là, il pense « Plume-moi un poulet !» Et là... la dernière case, c'est Garfield qui empoigne la figure à Jon. Et Jon, il dit, c'était ironique, Garfield. Et Garfield, lui, pense, va me faire cuire un bœuf. Puis, là, il me semble que ça part... Je pense que ça part comme... Comme si ça serait sérieux, puis il fait juste les lire case par case, puis après ça, il commence juste à dire plein de merde pis de niaiserie. Puis, mais c'est ça, je pense qu'il le fait pour que ça ait l'air legit, puis que ça soit ridicule. Fait qu'il doit souhaiter qu'il y ait vraiment un enfant avec qui tombe là-dessus un moment donné. Comme, je vais juste mettre un extrait random, voir si... j'ai jamais pris le temps d'écouter ça pour vrai. Ouais, moi non plus. Je connaissais pas ça. Effectivement, au cours des dernières semaines, j'ai eu des petits démêlés avec une école primaire. En fait, cette école-là primaire, qu'est-ce qu'elle avait de spécial? C'est qu'elle avait deux enfants, deux petits gars, en troisième année primaire, non-voyants. Une heure avant le début des cours, ils se mettaient à écouter une heure de Garfield pour aveugles, pour se détendre et pour avoir, aussi, quelque chose de plus, tu sais. C'est là que ça se corse. Bon, je sais que j'ai une voix radiophonique, mais je savais pas à ce point-là. En écoutant mes épisodes de Garfield pour aveugles, je pense que c'était Garfield voix grand, même, quelque chose comme ça. Ben, les deux petits gars ont commencé à faire l'amour. Mais ça, c'est sur Mixcloud, Garfield pour aveugle, il est comme pas... Il est pas sur... Faudrait que ça soit sur une plateforme de podcast à un moment donné, là. Mais, tu sais, ouais. Mais je pense que le but, c'est que ça reste justement caché pis pas connu, là. Mm. Mais, bref. Nice. Suggestion podcast de la semaine? Non, ben, je sais pas, c'est peut-être pas bon, je l'ai pas écouté. Je sais juste que ça existe. Mais c'est ça, fait qu'on a un peu fait... dans le fond, nous autres, on copie des concepts, on l'a copié pendant que tu disais ton Garfield. Moi, j'ai une tête, hein. Ah non, mais ça, là, c'est pas de la copie, là. Je savais même pas que ça existait, j'ai juste toujours des bonnes idées. J'ai plein de comics de Peanuts, si tu veux qu'on... Je peux toutes les lire. Je peux commencer pour la première en 1950. Non, ça va. Non? Bon, OK. Ça serait-tu drôle que, tu sais, quand tu dis, tu sais, t'écoutes de quoi une émission où t'as un produit, tu sais, il y a un feature, il y a une affaire qui se passe que c'est vraiment, tu sais, tu fais comme, pourquoi quelqu'un a fait ça, genre, si ça aurait pas été là, j'ai comme pas d'exemple, mais tu sais, quelque chose de, ben, tu sais, l'affaire qu'on parlait un moment donné que, tu sais, il y a des pubs qui peuvent, sur ton téléphone, qui peuvent atteindre ton browser puis faire shaker ton téléphone, faire vibrer ton téléphone. Ouais. Ce serait-tu drôle, toutes ces affaires-là, toutes ces features-là, où tu sais, toutes les décisions connes dans des films, mettons, que tu fais comme, pourquoi il est arrivé ça, ce personnage-là? S'il n'aurait pas fait ça, ce serait 10 fois meilleur, genre. Ce serait drôle que, c'est tout le temps du monde qui ont dit une joke un peu sarcastique, puis que tout le monde le prend au sérieux. Genre comme, oh, on pourrait, c'est que c'est con, mais, tu sais, là, Mettons que le téléphone vibre, pis là, il y a un gars qui fait « Tabarnak! Asti, toi, t'as quelqu'un qui t'attache code ça, là, pis... Ah, non, c'était une joke, asti, tu comprends pas mon sarcasme? » Pis tu sais, c'est juste quelqu'un qui comprend pas, qui est pas capable de déceler le sarcasme. Ouais. Tu sais, Batman versus Superman, c'est juste ça, genre, c'est deux gars qui ils se lançaient de la merde d'un côté de l'autre, pis l'autre gars, il écrivait « Oh, boy, hey, c'est bon, ça! » Ouais, c'est ça. Mais note pas ça, asti! Le mois d'après, il fait « Oh, tabarnak! » Il pensait que j'étais sérieux! T'as-tu vu le film? Il a gardé le bout de Martha quand on s'en parlait. Il a gardé le bout de Martha. L'affaire avec la mère, là. Oh, ouais, il fait... Batman, il crie Martha comme la joke qu'on se faisait là à la table. Il a noté ça. Tel quel, là. Tout est là. Lex Luthor, man, c'est le gars de Social Network. Tu te souviens quand on a dit, hey, serais-tu con, ça serait le gars dans Social Network qui fait un petit Lex Luthor tout petit puis qui capote puis qui a de l'air du Riddler? Il est là! C'est... Ouais. Mais imagine ce bout-là mieux acté. Est-ce que le gars qui m'a donné l'idée de faire ce segment-là. Ouais, tu penses que c'est toi là, qui a pas de déceler le sarcasme. T'sais-tu ce que j'ai trouvé tantôt? Non. Y a des fanfictions de Dans une galaxie près de chez vous. Oh, what? Pour vrai? Ouais, pis j'ai regardé. C'est plein de sexe. J'ai pas regardé trop longtemps. J'en ai déjà vu au moins deux de relations entre Brad et Charles Patnaud, mais c'est pas sexuel, genre c'est juste tension amoureuse impossible, genre. OK. Mais gars, je vais juste te lire les descriptions là, c'est sur fanfiction.net puis c'est un site en anglais. Fait que c'est comme dur de trouver des trucs en français, mais avec un nom comme Dan Galactric. C'est un nom là que veux-tu? OK, je vais leur dire, je vais essayer de pas débouler les marches en même temps. Dans une galaxie chez vous, Il qui manquait une couple de voyelles. Bref, je vais te lire les titres. Le premier le premier par Varlet, du sang sur nos mains. Apparemment, un meurtrier circule librement à bord du Romano Fafard. Depuis le premier meurtre, la tension devient de plus en plus lourde dans le vaisseau. Qui est l'auteur de ces meurtres et pourquoi fait-il tout cela? Hein? T'es-tu dedans, là? Shit, nice! Attends, je vais t'en lire d'autres. Si tu vois t'en une que tu fais comme... Cris, je veux savoir ce qui se passe, on va l'ouvrir. De l'autre côté, par Marissi. Et si Charles avait réussi à traverser la faille spatio-temporelle et se retrouver en 2008, que serait-il passé? Non terminé. Bon, celle-là, elle a pas fini. Ah. L'enfer d'un amour interdit par Shiwai Jenny. Mais moi, je pense que c'est lui, même sans avoir lu le résumé. Dans le Romano Fafard, rien ne va. Ont-ils trouvé une planète? Oh, Christ, qu'il y a des fois. Yeah, c'est lui! Seule l'histoire pourra nous le dire. Cette histoire renferme une histoire d'amour qui semble se vouloir interdire par Charles Patnaud lui-même. Ça. Parce qu'il y en a. La plupart ont de l'air toutes vraies. Il y en a une que c'est une grosse joke parce que tu sais, il s'appelle I Was Made to Love in You. C'est l'histoire d'un extraterrestre au destin unique qui poursuit un but bien précis pendant des années. Qui est-il? Le gars de Kiss. Puis c'est une histoire sur le gars de Kiss, puis il y a plein de références à Kiss, puis à des tunes de Kiss tout le temps. C'est vraiment bizarre. Puis sinon, bon, demain matin, Jupiter matin, toute une rencontre, autobiographie d'un dieu. Fouillis de défis. Lis encore une ou deux phrases de lui de la fille. Attends, il y en a un qui s'appelle Marie. Oh, Chris! Oh, what the... Ok, je viens de comprendre. Je t'ai dit qu'il y en a un qui était par Marissi. Ouais. Marissi en a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est une vraie 11, fan. 12. Ok, moi je pensais qu'il y en avait beaucoup, mais il y en a 12 qui sont écrits par Marissi. Cette personne-là a un profil. Je vais aller voir si on peut voir ce qu'elle a écrit d'autre, cette personne. Sûrement qu'elle nous écoute, on la salue. Ça a l'air d'être toutes des affaires d'une Galaxy Spreadshoe. Shit! Ouais. Elle était peut-être scripteuse, puis elle est comme, je veux en faire plus! Ben, je checkais pour le fun, voir si elle aurait pas, mettons, des trucs d'autres séries, genre, j'ai fait un tour en faire, puis je sais pas quoi, mais non, c'est juste ok. Hey, t'aurais aimé ça en okay. Ben oui, c'est ça que je cherchais en fait au début. Je voulais un truc de Radio Enfer, parce que pour moi, je suis plus familier que Radio Enfer que Dans une Galaxie, puis Dans une Galaxie, okay. Ça, c'est naturellement, j'ai trouvé ça en cherchant ça, là. Mais je cherchais des fanfictions de trucs, justement, francophones, genre, tu sais, imagine des fanfictions genre de Fortier. Ouais. Ou de Bouscotte. De... Les fanfictions de Bouscotte. C'est de... le monde c'est de Charlotte. C'est quoi l'émission, là? Rumeur. Rumeur, oui. Puis Grand Ours. Oh non, de 4,5. Ah, t'as un peu. 4,5. Est-ce que ça serait malade? Ou Chambre en ville? OK, on va aller voir L'amour interdit. Qui est pas de Marissi, ben, là, qui est de Shiwai Jenny. Que l'enfer d'un... Là, veux-tu que... Est-ce qu'on... Trouve une phrase choquante. 21 chapitres! Wow! Mais non, mais... OK, laisse faire. On va pas lire ça longtemps. Tu veux pas qu'on lise un chapitre par semaine? Le... Ben, c'est parce que là... OK, je vais pas... Tu sais, c'est probablement... Là, je vais aller, genre, chapitre 14. OK. On va voir s'il se passe quelque chose, là. Y ont-tu des noms ou non? C'est juste chapitre 1, 2, 3, 4, genre. 14e chapitre, Alzar, le démon de la jalousie. Oh, Chris, qui s'en est passé des affaires parce que je sais pas c'est qui Alzar, là. Donna, c'est qui Donna? Alzar, je te jure, dit Donna d'une voix forte. Chris, c'est qui? Là, je peux pas être si loin. Donna d'une voix forte. Chapitre 6, ok? Je sais pas pourquoi ça me fait autant. Ok, vas-y. 6e chapitre, la révélation de Flavien. Après une nuit de sommeil, Flavien se réveilla de bonne heure. Il partit à la salle de commandement, mais en entrant dans la pièce, il vit Brad assis à une table. Il avait une mine triste. Non, là, ça dit pas si c'est une mine antipersonnelle. C'est pas... Le jeune opérateur radar le prit en compassion et puis alla s'asseoir près de lui. Brad releva la tête doucement. Comment qu'il parle, déjà, Stéphane Crête? Qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Dit Brad. Je voulais boire du lait, répondit Claude Legault. Non, là, ça veut écrit Flavien. Et vous, Brad, que faites-vous ici? Chris, il parle pas de mec. Et vous, Brad, comment il parle, Claude Legault? Imaginez que c'est Claude Legault. J'ai dormi ici. Quoi? Comment ça? Demanda subitement Flavien. Oh, subitement. T'as peu. J'ai dormi quoi? Comment ça? J'ai passé une mauvaise journée hier, puis je me suis endormi ici. Puis ils restèrent silencieux. Flavien avala difficilement sa salive et prit la parole. Brad, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? Ben, vous avez un gros crotte d'œil. Dit Flavien. Ben là, c'est juste ça, je vais aller me recoucher, moi! Brad partit d'un pas lent. Comment Flavien pouvait dire à Brad qu'il avait fouillé dans son journal intime Comment dire au capitaine que Brad avait des émotions pour Valence? Comment tout avouer sans que tout le monde s'entretue? Là, c'est parce que là, dans le dortoir, Brad se peignait les cheveux, Flavien entra et vit Bob sur son lit, il alla le voir. « Salut Bob, ça va? Ça va? S-A-V-A-S. » T'es fuck you! En un mot, il y a au moins un espace. Il y a un espace quand même, là. Ok. Mais, hey, c'est... Ok, on va aller voir, Chris, là. Je sais que vous êtes comme... là, on tient tout le monde en haleine avec ça, je vais aller lire la fin. Brad est en... Brad! Est-ce que c'est dur, cette semaine? Ok, 2 mois plus tard, ça c'est la fin, là. Brad est en thérapie, encore, avec Valence. Brad, je comprends pas, là! Moi si, dit Brad. Bon, y'a rien à faire, allez, partez! Brad sortit du bureau de Valence. Il marcha dans le corridor B et mit ses mains dans ses poches. Une chance que je lui ai rien dit, cette aventure a changé quelque chose en moi. Je me suis découverte une deuxième grande personnalité que les autres semblent apprécier gros. Je me suis découverte. C'est-tu l'épisode avec Linda, quand il est en fille? Ah, peut-être. Oh, check la dernière phrase. Puis il continua de marcher en regardant devant lui. Non, on dirait... Oh, merde, ok. Puis c'est toi qui l'a dit, puis c'est moi qui l'ai écrit. Puis il continua de marcher en regardant devant lui, la tête haute et un large sourire aux lèvres. Ah, c'est mot pour mot, puis il continua de marcher en regardant. Là, ok, c'est le titre de l'épisode. Continua de marcher en regardant. Qui risque. C'est-tu le pire Chris d'épisode? Oh, je suis désolé. Eh non, il est pas si pire, je pense. Il va être monté, que... bien correct. Il est monté, il va rester 10 pas, secondes, Chris. C'est pas le 35, mais non, ça va. Écoutez donc le 35. On met-tu le 35? Ça va être. Ils vont faire Chris. Ouais. Ils ont déjà parlé de ça. Non, ça va, c'est correct. Faut essayer des affaires. Je pense que c'est bien que genre juste essayer, on va lire ça, on va voir si c'est drôle. Mais ça l'était pas. En tout cas, les fanfictions. Mais celle-là m'a déçu. Je pensais que ça allait être plus tension sexuelle. C'est plate, vraiment pas ça, là. T'as vraiment mal choisi. Ah, c'est moi. Parce que mais je pense pas qu'on peut se permettre d'en choisir un autre. Non, mais moi j'avais checké tantôt vite pour en trouver une. À date, celle qui avait comme une tension amoureuse entre Brad, puis là, je sais plus trop c'est quoi, mais genre, c'était plate parce que c'était même, tu sais, il y avait même pas de référence au show, là, c'était vraiment juste comme les deux personnes qui se disaient comme, oh, on peut pas s'aimer là, puis mais tu sais qu'on s'aime pourtant, là, oui, mais on peut pas, là, et il l'embrassa sur les lèvres. Mais lui, il resta froid. Pourquoi tu me traites ainsi? Genre, c'est n'importe quoi. c'est du comme, bonbon. C'est, hein. Genre, c'est le genre de fanfic-là. Tu peux interchanger les noms des deux personnages pour n'importe quelle autre personne de série. Ouais. Il y a tellement pas de détails que tu peux faire. Tu sais, si ça se trouve, elle a fait ça. Là. C'était un truc de Sonic, puis il a changé Sonic pour Charles Parthenaud, puis Tails pour Brad Spitfire. Non, Tails! C'est impossible de s'aimer. Il l'embrassa sur ses lèvres molles. Ce serait contre les Chaos Emerald. Mais j'aime ton poil hérissé, hérisson. Attends de me voir en forme finale. Je sais pas c'est quoi le nom quand ils sont transformés en or. Hein. Attends de voir mes deux autres queues. Bon, allez, sur cette note haute, moi je pense qu'on peut passer aux lettres des... Dernière affaire mais qu'on passe aux lettres. HMV ferme. Ouais. Puis je suis allé l'autre jour, j'ai juste trouvé ça drôle parce que j'ai acheté comme 2-3 patentes, puis j'avais une carte pure. ça a l'air que j'avais 3 piastres dessus, fait que j'ai eu 3 piastres de rabais. Puis c'est drôle parce que tu sais, comme il prend ta carte pure, puis il fait ton rabais, puis tu sais, tu vois qu'il sait plus quoi faire avec la carte pure, fait que ben, tu la jettes, là. Ben oui, qu'est-ce que tu peux faire avec ça quand ouais. Là, si tu fermes. Fait que c'est juste une anecdote de... J'achetais presque jamais rien, là, man, c'est... Ben oui, ça faisait un bout, mais là, vu qu'on a une auto, fait que des fois, on va comme... c'est Carrefour en Grignon à la salle, ça fait que ça rabe okay. Au H&M, s'acheter des patentes. Fait que moi, c'était comme mon truck stop à gars, là, de... OK, bon, Magazine du Linge, m'en aller voir les cossins, puis... de toute façon, il est pas... Tu vas acheter un gars? Pourquoi tu penses que je lisais des fanfics d'homosexuels? Oh. C'est là, je m'en vais. Attends. Que moi, j'accepte pas ça. Bye. Attends l'épisode 37, là. J'ai une grosse surprise. Je me gardais ça pour là. Misty House. On dirait que ça s'en va dans l'offensant, mais pas en même temps. C'est comme, on est sur une mince ligne. Non, mais c'est pas offensant si c'est vrai. Oh. Mathieu, je voulais pas t'en parler. Mais... Ah, c'est les lettres. C'est les lettres. C'est pas pour rien. Attends un peu. Zip. on voit nos webcams, nous autres. J'ai menti pour les culottes. Ouais, c'est ça. Concours web internet gratuit. Le concours de l'année. Participez au concours du Québec. Concours. Concours. Cette semaine, on a reçu une réponse pour notre concours. On l'a fait écouter. Salut, c'est Fernand. Voilà ma candidature pour le concours des sorbats. Fermarrer dans la... Hé, là! Est-ce que je l'ai... Et puis là, je vais rentrer en tabarnak, est-ce que avoir su que c'était ça, Chris? Fait que c'est ça. Pour trouver la réponse, fallait que remettre le son du canard à l'envers. Ça donne ça. Ça, c'était le son normal, là, mais... ça prend une fine oreille. Écoute. Écoutez. À l'envers, ça donne ça. Oh, t'es riche. Ah, fait quoi, c'est pas bien que c'était la bonne affaire. C'est pas bien gagné les billets pour la chorale des rampous. Merci. Merci Fernand. C'était la seule réponse. Ouais, c'est la seule qu'on a eue. Yeah. On a-tu eu d'autres mails genre SoundCloud pis tout ça? Puis parlant de SoundCloud, là, je viens de checker, on n'a pas de message. Mais si vous avez des idées de quoi mettre dessus, tu sais, on met comme nos meilleurs moments. Je fais des gros guillemets présentement, on les voit pas. Là. Si vous avez des idées comme ce moment-là, c'était quand même un petit peu cocasse, j'ai un petit peu ri en haussant les épaules, mais je peux me le dire, ça fait comme. Ça fait quasiment 10 épisodes, j'ai rien mis d'extrait, je sais pas quoi mettre. Là, mais la reine Blood! Ouais, je pourrais mettre la reine, mais je sais pas si le monde trouve ça aussi drôle que moi. Nous autres, on se pissait dessus, puis le monde va faire comme créer son nom. Parce que l'affaire, c'est un mix. Parce que toi, c'est le fait que moi, je parlais avec la même voix les deux qui te faisaient pisser. Mais qu'est-ce que ça me moi, faisait? Moi, c'est le fait que t'as dit genre la reine est Blood. C'était un bon moment. C'est drôle, hein? Pas de moment de même à soir. Ben, quasiment un peu avec. Quand j'ai inversé ta phrase. Ben, c'est au moins. Mais faudrait essayer plus d'avoir des trucs comme. Faut niaiser plus, le genre de personnage, je sais pas quoi. Plus que de lecture de notes ou des shit. Parce que le dernier, je pense qu'il a marché à cause de ça. On a plus juste niaisé quasiment, genre. Ouais, le truc de fanfiction, c'était pas. Mais c'est dur, c'est pas. Tu sais, je pense que c'est pas de quoi qui contrôle tant que ça. Là. Non, c'est ça, le pire, on en a déjà parlé, mais tu sais, le problème avec le fait de pas avoir de formule, c'est que si t'es comme sur un bon high, tu sais, pis pas parce que... on a fumé avant! Non, mais dans le sens, tu sais, qu'on est comme sur une bonne vibe, genre, tu sais, on peut rouler là-dessus, on peut rock et rouler là-dessus, sauf que si ça marche pas, pis t'es un peu off une soirée, tu sais, aujourd'hui, j'avais crissement à la tête quand je suis arrivé ici, je filais vraiment pas. Fait que tu sais, ça fait que le moindrement que t'es affecté par ça, t'as pas un backup, là, ouais, non, et t'es poigné pour, ouais. Ok, bon, ben, je vais dire de la merde, genre. Chris, je regarde mes notes, j'avais plein de trucs que j'aurais pu faire bien plus cool que l'hostie de fanfiction de Fif, pis là, je regarde, là, de Fif, waouh, ouais, ça, c'est gratuit. Hey, hein? Waouh! Désolé. Genre là, Chris, j'aurais. Mais là, il est trop tard. Là. Je fais. Ouais. Faut faire c'est des. Je fais-tu des affaires bonnes? Là? Je peux pas. Chris, j'avais une question Yahoo. J'avais un truc. Une question. Si on coupe les bouts, ce qu'on fait comme. Ouais, notre podcast pas bon, des trucs comme ça. Chris, il va rester 5 minutes. Mais pour vrai, je trouve que c'est le cas. On faudrait peut-être essayer de genre. Soit de les couper, tu sais, de continuer à les dire, mais ou les enlever, des trucs comme ça. Ouais, de le doser un petit peu, hein. Faudrait le doser, hein? Je pense. Ouais, parce que des fois, c'est ok une fois, mais des fois, ça devient un peu, là. C'est comme, tu t'aimes autant pas ça, arrête. Ouais, c'est ça. C'est comme, ouais, j'avoue que, ouais. Okay. Je le fais aussi, c'est pas. Non, je sais, mais ouais, je vais gager en faisant le montage. Ouais, parce qu'il faut juste, tu sais, arrêter. Si on a des bons moments, si vous trouvez qu'il y a des bons moments, point, ils comprennent que c'est pas, tu sais, ils écoutent les sorbets. Ouais, non, mais c'est comme, je suis pas... tu sais, ça aussi. Je suis pas capable de le mettre ça haut, là. Je suis pas capable de le placer plus non, haut. Non, mais sans le mettre ça haut, juste pas le catégoriser, genre, si vous trouvez qu'il y a des bons moments, point. mettons. Je suis pas capable, je suis pas capable de faire ça. Il faut que j'auto-détruise tout ce que je fais constamment. Genre, fait que je suis pas. Faut que je travaille là-dessus. Mais il prend ça comme un. Une manière de, d'essayer d'accepter, des fois, d'accepter ce que tu fais. Ouais. Mais là, ça aide qu'il y ait du monde qui nous écoute puis qui répond. Ouais, genre, ça fait sweet, comme. Man. C'est bizarre, là. Je comprends pas encore ce qui se passe, là. Trop. Dans tout. Le dernier mois, on était mentionné par au moins 5 podcasts en tout. Ouais. Genre, incluant moi qui est allé à Divan Quest, on était mentionné au podcast du Tabarnak, dans Jamais Content, Christy Belleplug, un matin dans Parlons Balado, dans Épicure. Je me demande si notre nom est pas sorti ailleurs, je me souviens pas, mais genre, ça fait comme calvaire, genre, esti. Ouais. What? Voyons, Chris, fait un an qu'on fait ça dans le coin, pis tout seul. Ben, c'est ça. Là, du monde nous trouve, pis il aime ça. Ouais. Voyons, Chris. On commence. T'sais, mais ce qui est le fun, c'est juste le fun de voir que c'est les. C'est là qu'on écoute plus, ou ben, tu sais, c'est pas juste comme du monde qui commence comme nous autres qui aime ça, genre. Il y en a, hein. Ouais, on les nommera pas, non. C'est pas... Est-ce que ça sonne méprisant, là? Il y en a, genre. Moi, tu veux. Moi, pas juste des bons qui nous aiment, là. Moi, je regarde vos likes Facebook avant de vous accepter dans mes amis, sinon. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment. Non, mais tu sais, peu importe qui, c'est genre peu importe qui like, c'est juste, ça fait du bien de voir. Mais moi, c'est ça, c'est ce qui m'a le plus surpris, c'est « Ah oui, c'est-tu lui ou qui fait telle chose, genre? » Ouais, la manière que c'était présenté dans Parlons Balado, c'était « Ah, oh, c'était comment qu'il dit, mais tu sais, juste quelque chose d'un moment comme... » C'est lui, dans le premier épisode, qui se crisse une boîte, qui se met la tête dans la boîte pour en changer le son. Mais tu sais, c'est... « Ah, t'as-tu pogné le bout? » T'as-tu pogné le bout qui fait ça, quelque chose comme ça? Mais tu sais, un « T'as-tu pogné le bout? » Pour moi, c'est ça, c'est... Je l'ai-tu dit tantôt, mais pour moi, c'est le meilleur des compliments, là. Ouais, t'as pas... Non, tu l'as pas dit de même, mais non, c'est... Ouais, moi aussi, c'est... J'ai accroché le... Genre, ça fait comme... OK, on est quelque chose, genre, dans le sens, tu sais, quand tu vas voir un film ou t'écoutes une série, « Ah, oh, t'as-tu pogné le bout avec tel personnage qui fait ça? » Ou, tu sais, t'as-tu vu... Ouais. Ah, c'était malade, telle scène, tu sais, genre... Que... C'te lien-là de « T'as-tu pogné le bout? » Ouais. Je pensais jamais que quelqu'un allait parler de même de notre podcast. Il va écouter ce bout-là, puis il va être comme « Oh man, c'était pas si flatteur ce que ouais, je c'est disais. » Ça. Je dis, il va être tout mal, genre « Oh, ils ont ben trop aimé ça, ils font pitié. » Ouais, c'est ça. Dans le fond, ça a été monté, puis ce qu'il disait, « T'as-tu écouté le bout de ça? C'était crissement mauvais. » Ouais, là, ils ont chopé ça. Comment ça que tu laisses ça là-dedans, Carlis? non, mais je pense que c'est une way, là. Fait que... Mais bref, ouais, ça m'a mis... Yahoo? Ça m'a mis de bonne humeur. Question Yahoo? OK, ouais, bon, écoute. Une petite question Yahoo avant de finir. Ouais. Au pire, on enlèvera un autre bout de plus long, là, c'est pas grave. Thème. Yahoo! Oh, shit! Fin du thème. Bon, OK, t'es-tu prêt pour la question Yahoo? Laisse ça, man, ça serait mal. Thème, tu le fais jouer. Il arrête. Fin du thème. Ouais, c'était ça que je voulais faire. Puis là, tu me couperas. Ouais, je vais tout garder ça. Yahoo, Mathieu, question Yahoo, t'es-tu prêt? Ouais. OK, on se rappelle, là, vous rappelez le concept des questions Yahoo, c'est, tu sais, les concepts que dans les autres podcasts, ils ont des questions, mais nous autres, au lieu de les faire envoyer, on va les piquer sur Yahoo. Ouais, Chris, facile, pas une question, c'est bref. Ouais. T'es-tu bon avec tes mains? Oui. Non, OK, bon. Non, c'est pas obligé d'être une réponse oui-non, mais dans le sens... Oui, c'est, ah, ça c'est, peut... c'est ça la question c'est, non, Yahoo. C'est vraiment ça la question Yahoo. Puis, tu sais, dans le sens... Tu sais, c'est facile de virer ça sexuel puis faire comme... Regarde ma crosse, mais là, tu sais, mais dans le sens... T'es-tu manuel? T'es-tu... J'aime faire des choses manuelles. Ouais. T'es-tu bon là-dedans? Je sais... Je suis pas mauvais, mais ça dépend si je suis stressé ou non. Genre, j'ai un peu... Des fois, j'ai un petit peu... Ben non. Des fois, j'ai un petit peu le shake ou des trucs comme ça, okay. Mais sinon, je pense que oui. Je sais pas, mais j'ai comme pas d'exemple, tu sais, comme... Genre faire des gâteaux, des chutes de même, j'adore ça. Ouais, ouais ça, mais tu sais, ça, je vais pas... Je suis quand même quelqu'un de maladroit, mais pas assez pour échapper mon gâteau à terre. Mais si tu peux parler, man. Tu dessines. T'es bon que t'es même. Man, ça doit faire 3 ans que j'ai pas dessiné. Là, c'est ça la beauté d'être un animateur cut-out, c'est que tu bouges des marionnettes, genre. Tu bouges des bonhommes déjà faits, t'en dessines des mini-bouts, mais genre, je fais... Chris, pour vrai, là, ça fait longtemps que j'ai pas dessiné un personnage sur une feuille traditionnelle, là, que juste dessiner, fait que ça me fout un peu la trouille de me dire que faudrait que je dessine, là, puis pour ça que je dessine plus, parce que j'ai peur de dessiner, de faire comme, Chris, que t'es mauvais de pas avoir dessiné pendant 3 ans, là. Ouais, mais en même ma temps, job, c'est pire d'animer. Que dans 5 ans, tu diras, je dessine plus. Non, non, non, non, c'est sûr. Mais faudrait que je dessine. Là. Je vais dessiner là. Ok, on voit. Ouais. Mais, okay. Mais comme, tu sais, ça, ma job, c'est d'animer avec des pantins. Tout est vectoriel, tout est déjà prêt. Puis je bouge des morceaux. Ouais. Puis c'est une autre qualité, mais ça vient chercher un peu la même place dans la tête. Mais c'est juste, c'est juste que tu zigonnes après plein de morceaux, puis de patentes, puis t'es fait bouger plutôt que de dessiner des mouvements, tu sais. Mais au final, ça compterait-tu... Je sais pas, je pense ça pas. Ça compterait pour les mains, parce que c'est la souris. Non, tablette Wacom, Mathieu, carrément. Ah, nice! Dessiner une souris, Chris, pas moi non. Ça compte-tu comme être habile des mains, ou... Ben non, mais je pense pas, je pense que ça peut être un... Je joue de la guitare! Ben c'est ça, mais ça compte-tu là-dedans? Ouais, mais tiens, ouais, je sais pas, on dirait que... On c'est dirait plus que bon avec tes mains, on dirait que c'est... Genre faire des cabanes pour oiseaux. C'est ça, exact, on dirait que c'est ça, hein. C'est comme de la mécanique puis de la construction, on dirait que c'est pas... Ah, ben, ça, pas... Je peux jouer n'importe quel solo de guide, mais Chris, que je suis pas capable de clouer un trou, t'as mon nac, tu sais. Pourtant, c'est les mains, les deux. Je me débrouille, là, c'est... Ah, j'aime apprendre là-dessus, tu sais, j'ai déjà débouché l'évier de la cuisine ou des chutes comme ça, là. As-tu mis du drano dedans? Non, non, non, c'est justement pour pas mettre ça, c'est... Genre, tu sais, tu l'ouvres, puis c'est comme le truc en U... Mais en fait, ouais, en U, genre, tu vides, puis il y a plein de cheveux, c'est dégueulasse. As-tu écouté le tutoriel du gars qui parle de Thio? il me semble que c'est lui, c'est pour ça que je l'envoyais. Ah, ok, oui, hey, ça, c'était un bon moment de podcast, il y a quelques épisodes, allez écouter ça, c'est, je sais pas quel, un moment donné, mais c'est bon. Dans cette vidéo, vous verrez comment installer votre nouveau drain mécanique. Malade. Mais... Pas de contexte, toi... Ben, c'est ça, tu je sais pas, ben correct, là. Habile des mains, comment t'as dit ça? J'ai marqué mot pour mot, tu bon avec tes mains. Parce que j'ai juste traduit en de l'anglais au français vite, mais c'était comme are you good with your hands, ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est quelqu'un, si tu... Je suis pas bon, je suis correct. Ouais, mais ça rapproche, je suis correct, là, pour ce qu'elle a besoin, guillemets, mais ouais, pas, moi aussi, c'est ça. C'est pas un massage, je dis souvent comme, Chris, va te faire masser une vraie plage, hein, ça, tu vas le sentir bien plus que moi qui fais ça tout croche, puis qu'à la limite, je vais te faire mal, puis je fais ça tout croche, je vais te déboîter, je sais pas quoi, là. Mais là, bon, ouais, mais tu sais pas, ce qui est travaux manuels, non, je suis pas... Je peux me débrouiller, je pense, mais pas autant, mettons, que mon père, qu'on dirait qu'il est capable de réparer tout ce qui existe sur la planète, là, pis tu sais, comme... Ouais. Genre, il voit de quoi, là, il sait quoi se dîner pour... Mais ça, c'est plus que les mains. Là, on non, parle c'est ça, plus c'est de l'expérience, pis... Des bricoleurs, là, c'est... Mais plus, es-tu bon pour bricoler mais qu'avec tes mains? Mais je sais ça à bricolage, moi, pas bricolage. Ouais, parce que, mettons... Je fais des très beaux bricolages. Paper craft, genre, tu découpes des petits bouts, t'es colles, t'es plis, ou ben l'origami. Ah, ça, je suis pas bon. Tu sois quand même bon avec tes mains. Je suis pas bon à stick du paper craft de Calis, de Steve Chris, non. Ça, là, je suis une couille. J'ai essayé une fois ou deux, puis je suis incapable. Là, ça ressemblait à Chris. Tu sais que j'aime ça, faire ça, mais pas... ça fait penser à autre chose. T'es juste concentré là-dessus. Hein. T'aurais même pas pris ça, t'aurais même pas donné ça à un chien. Chris, que... J'espère qu'il y a de la colle, ça l'aurait tué. C'est ça, c'est pas un bon exemple, mais dans le sens, c'est pas... non, c'était horrible. Je suis pas un master origamiste. Ah, c'est le fun, l'origami aussi. Mais je suis capable, tu sais, le... Le petit jeu là, que tu plies là, pis tu peux écrire des numéros dedans. Ouais. Comment ça s'appelle ça? Un coin-coin? Ouais, ça comme ça. Nous, on appelait ça les coin-coins. C'est comme une bouche de canard à quatre bouts là. Là, ouais. Tu fais comme 1, 2, 3, 4. Choisis un. 1, 2, 3, 4. Mais ça, c'est une affaire que je suis capable de faire. Puis ils sont beaux. C'est la seule affaire que je suis capable de plier. C'est la seule crise d'affaire. Ça, t'es un ballon en papier. C'est pas comme Genre, ça se ressemble les plis, là, mais c'est juste à un moment donné, tu rentres des coins, puis tu peux souffler, puis ça fait. Ça fait une petite genre de boule en papier. Peux-tu le faire là? Nope. Je vais le faire, moi. Fait que là... Oh shit! T'as déjà fini? Attends. Check boy. Tu le vois? Ouais. Là, je vais te faire... Je peux te faire un pigeon. Check. Chris, c'est un vrai, man. Je vais te faire... C'est un vrai. Tu connais... T'écoutais le cercle? Tu viens-tu le cercle avec le Charles Lafortune? Ouais. Ben, je vais te faire... C'est Charles Lafortune! Non, mais mieux que ça. Je vais te faire Charles Lafortune, pis... Check en haut. Pas là, Dusty. Ah, ben, Chris, Dusty, c'est eux, man. Mais attends, ils se donnent des bisous. Si je... Mais c'est ça le truc, c'est que tu peux le plier ici, pis ils s'embrassent. Hein? Mais ça, c'est... c'est ça, malade! C'est... Mais attends, je vais t'en faire un autre, là. Il plie long, celle-là, attends un peu. Je sais pas si tu vas la reconnaître, là. Celle-là? Chris, c'est ta blonde! Exact! Mais là, vous savez pas à quoi elle ressemble, mais tu sais, si vous la connaissez, si vous allez faire Chris, elle est pareil comme ça. Il y a même les lunettes. Tu peux les... Il marche, man. Y a-tu du focus dans les lunettes? Ben, attends. Si je le plie comme ça... Sont à prescription aussi. Ben, okay. Ben oui, mais c'est ça. À un moment donné... C'est ça, je mentais tantôt. Là. Je suis un expert origamiste. Je peux en faire un dernier. Attends un peu, là. Okay. Ça, c'est... tu sais, quand... Parce que souvent, j'aime pas ça dire que je suis capable de faire ça, parce que tu sais, dans les parties, il faut comme « Ah, plie-moi quelque chose! Plie-moi quelque chose! Plie-moi quelque chose! » C'est comme « Chris, je pouvais... Ah, tu t'es quoi, toi? Tu travailles dans un bureau, fais-moi un bureau. » Tu sais, cœur pas avec ça, Chris. Mais, tu sais, quand il le découvre, j'en fais une coupe, là. Puis là, je finis avec ça. OK. Attends, là, je tire ce bout-là ici. Puis là, la twist avec celle-là, c'est « Faut que tu prennes le papier, tu t'en déchires un bout. » Après ça... là, j'ai un Sharpie ici. Check ça. Oh man, tu me niaises. C'est malade, hein? Ben, attends, hey, attends, check si je tire là-dessus, check bien. Man, c'est une vraie forêt. Chris, hein? Avec un feu pis des campeurs. Ben, c'est ça. Puis, en plus, parce que celle-là elle est cool. Ben, si tu la tournes en 300. Check, si je la tourne de même. Genre, Chris, c'est l'espace! Mais ben c'est ça, tout! Il y a comme, on dirait que l'univers là-dedans, c'est hallucinant. Puis c'est juste à cause que la façon que j'ai placé ma lampe, puis avec les plis, là, puis c'est juste ça. Aïe, aïe. C'est crissement hot, là. Là, j'aurais dû prendre des print screens, mais là, en tout cas, j'ai jeté ça dans la poubelle. Là. On ferait ça un moment donné. Ouais. Je t'ai inspiré en tabarnak. Une forêt avec des campagnes. C'est peut-être ton rêve le plus profond, tu sais pas. Là. Ma vie! Je suis pas dans une forêt c'est avec des campeurs. Je sens que c'est tellement une méga opportunité ratée. Ouais, mais t'aurais pu... ouais, peut-être que t'avais la vision d'un meurtrier. Là. C'est une forêt avec des campeurs, puis t'étais... Tu sais, ça aurait été bien plus drôle, Chris. C'est toi qui fais de l'origami qui fais de l'origami. Là, tu le bouges. Oh, check. Ouais, c'est ça. Puis check, il finit. Il bouge tout seul. Mais non, Chris, des campeurs. Je peux en refaire d'autres, hein? Non, ça va. Ok, mais non, mais je pense que c'est une bonne fin, ça. Veux-tu faire les présentations de tous nos réseaux pendant que moi je joue de la tortue maracas? Ok. Il y a une vraie face de tortue. Oui, c'est vraiment une tortue. Sarah m'a ramené ça de Cuba, je pense. Une genre de tortue avec une grosse face. Elle est crissement drôle. Mais ouais, elle a des petites sables dedans ou du riz, puis tu peux la shaker. Okay. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur notre Facebook, les services du caractère mou. Donc, vous avez juste à chercher une page là, liker, commenter, vous pouvez nous poser des questions ou nous contacter, peu importe. Sinon, aussi notre Twitter, caractère mou. Ok, attends! Oh! Ok. Nice! Et notre site web, caractèremou.com. Manque-tu quelque chose? Ouais, il me semble qu'il manque quelque chose. Ne pas nous manquer au festival des mini-guitares en cristal de Saint-Barnabé. Ouais, on va être là. Premier show live. Deuxième show live. Ça va être époustouflant. À la semaine prochaine. Bye! Faudrait... Y a-t-il quelque chose qu'on peut mettre à la fin du générique? Je sais pas quoi mettre après. Je sais pas. Genre... Faudrait... Attends, j'arrête d'enregistrer là? Non, arrête pas.